Comment ça, c'est pas manuel? Ben voyons donc. Mon petit wawaron. Mon petit champignon magique. Dis pas ça de moi. Tu me connais à peine. Aujourd'hui, le lundi 26 septembre 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Avant de parler de mon côté manuel, pas Emmanuel mais Manuel, nous allons, dans le premier volet, laisser la place au nouvel opus du maître du métal, Marilyn Manson. Marilyn Manson. I can stick a needle in the horror and fix your blindness. See, I was a snake, but I didn't realize that you could walk on water without legs. Now I'm a bee, a king bee, and I will destroy every flower, and I will cover the earth in honey, and everyone will eat themselves. My eyes are mirrors. All I can see are gods on the left and demons on the right. Suffering, get high, smoke and dance in the ashes. black and I'm blue. Hey, on se connaît à peine et puis tu viens de dire à toute la population que je suis pas Emmanuel. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai rencontré cette demoiselle qui habite à l'île d'Orléans il y a un mois et demi. Et puis donc, elle m'invite chez elle, mais comme j'ai pas de véhicule, elle est venue me chercher. Et je prends une douche à la fin de la soirée et je me rends compte que sa douche téléphone a un problème. Elle fuit de partout, sauf du boyau qui doit nous arroser. Là, je lui dis, ne t'en fais pas. Nous irons à la quincaillerie acheter une douche et moi-même, j'en ai besoin. Puisque à la maison, mon petit support est cassé. Donc, ça fait longtemps que je dois la tenir dans mes mains. Je pars de la douche et en même temps, laver les cheveux. Donc, c'est pas évident. Et puis, elle dit, OK. J'ai dit, ce qui serait beau, hein, ce qui nous amènerait une harmonie jusque même dans cet achat-là, c'est qu'on se procure la même chose. Elle était éblouie. Elle dit, oh, t'as tellement des bonnes idées. C'est rare. J'ai dit, c'est rare. Alors, allons-y. On s'en va à la quincaillerie, à Charlebourg, parce que je reste pas très loin. Mais là, il n'y en a pas juste une. Il y a une série de douches téléphone. C'est un peu comme la sécheuse de l'autre jour. Hein? Vous la connaissez, l'histoire? Bon. Alors là, on arrive devant ça et on voit les spéciaux. Et les prix réguliers. Et il y en avait une, vous savez, là, celle qu'on retrouve dans les hôtels. Là, il y a juste un jet. Et ça fait mal, ça te pince. Là. On dirait un chat qui veut bondir dessus quand il est en satarlipopette. En avez-vous vu? Oui, votre chat, Mme Tremblay, là, quand vous dites, venez, vite, hein? Viens manger les petits pâtés que maman a fait. Parce qu'il sait ce que c'est, ce pâté-là. Il ne sera pas mangeable comme d'habitude, puis il va être malade. Pas le pâté, mais le chat. Même le pâté a déjà été très, très fiévreux une fois qu'elle avait fini le mélange. Ça diluait, ça suintait. Et puis donc, j'ai dit à ma nouvelle qui s'appelle Céline, j'ai dit, mais c'est pas l'autre, je n'étais qu'un lit. Non, la vraie Céline, là, ma Céline à moi, et un peu celle de Hugo Frey. Et si l'autre s'appelle la chanteuse, là, la gueuleuse, si elle s'appelle de ce prénom-là, c'est à cause de notre ami Hugo Frey. Donc, on est à la quincaillerie, à l'intérieur, et une allée. Puis là, j'ai dit, ce qui est intéressant, c'est la poire. Ben oui, parce que c'est par là que les jets d'eau nous arrivent dessus. Donc, il faudrait trouver quelque chose avec plusieurs niveaux. Hein? Comme ça, on peut... À chaque fois qu'on prend sa douche, sélectionner le jet que l'on veut. Hey, là, elle me regardait, elle était inspirée par autant de réflexions. Et puis moi, ben écoute, c'est comme Errance Renadienne, c'est de l'improvisation. Hein. Et puis là, j'arrive devant la douche téléphone, tu sais. La douche téléphone. Fait que là, je prends mon cellulaire. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben j'ai dit, je vais appeler pour voir si ça fonctionne. Elle l'a pas trouvé drôle. Et puis, donc, c'est vrai, j'ai dit ça. Et puis, donc, il en restait juste deux modèles, un à 6 réglages et un autre à 5. Elle me dit, 6, c'est trop, je vais prendre celle à 5. OK, j'ai dit, parfait, moi, je vais prendre l'autre. On s'en va chez moi. J'ouvre la boîte. Et je dis, OK, c'est facile, là, mais là, il faut... Tu places un petit recouvrement hein, en plastique très mince. Et puis, ce qu'ils offrent, là, c'est de la schnauzels. Ça ne vaut pas une scène noire. C'est tout collé ensemble. On dirait que là aussi, hein, il a eu chaud. Hein? Le ruban a eu chaud et il ne veut plus se décoller. Là, je fais tout en pas. Mon amour. Comme je fais ma propre bière et que je dois à chaque fois nettoyer mes bidons et remettre autour ce petit plastique, j'en ai des séries. Et les miens, malheureusement, sont bleus. Je sais que pour toi, esthétiquement, c'est pas ce que tu désires. Elle dit, ouais. Mais si tu fais attention, est-ce qu'on risque de voir le bleu? Je dis, oui, mon amour, parce qu'il est plus large que les autres. Mais plus efficace. Ah ben, il y a tellement de plus que j'accepte. Parfait, je dirais.

Céline Pelletier. Jean-René Lourdes. Jean-René Céline Pelletier. Thank you.

Merci Céline. C'était beau, c'était bien, bravo. Bravo. On s'applaudit. On va prendre des photos pour immortaliser notre rencontre. Ah, oui. Et puis pour nous montrer que nous sommes rayonnants. Ah oui. Et c'est grâce à toi, merci. Non, parce non, que... mais, non mais non, mais non, c'est grâce à nous. Aussi, c'est grâce à nous. Tu es parce aussi que très ouvert. Mercredi, j'ai eu un problème, malheureusement. C'est pas grave. Mais tu c'est, reviendras. C'est parti, ben oui, c'est partie remise. Hein, tu reviendras le vivre. Nous allons vibrer. Nous allons vibrer ensemble. Ah oui, oui, oui. Que tu vives l'expérience. Oui, oui, oui. J'ai bien hâte, moi aussi, de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Ou qu'est-ce aussi ce qui va rentrer, ce qui va sortir. C'est ça. Qu'est-ce que nous, on va recevoir. J'ai bien écouté. Ah oui. Voilà. OK. Merci. Oh, c'est cool. Chers amis, si je vous ai bien compris,